Le matin froid me glace les mains. Et il faut bien que je gagne mon pain. Assis à la croisée des chemins, j'attends mon rendez-vous quotidien. Lentement la ville sort de l'ombre. Bientôt les passants seront en nombre. Je sens la terre dure et l'odeur du pain, mais aucune lumière le matin. C'est au milieu de cette nuit sans fin que j'entends marcher les citadins. Oh, que j'entends marcher les citadins. Ils me jettent quelques pièces d'argent et leur regard fuyant. Ils se détournent indifférents, m'isolant. Aucun est différent. Ils me jettent quelques pièces d'argent et leur regard fuyant. Ils se détournent indifférents, isolants. Aucun est différent. Foule annoncée devant moi, il s'est présenté. Et il ne pensait peut-être que passer. Mais moi, de toutes mes forces, j'ai crié. Oh, toi qui guéris, aie pitié de moi. Jésus, je t'en supplie, sauve-moi. Cet homme a donné vie à mes yeux. Il m'a aussi ouvert les cieux. Car aujourd'hui je crois dans mon cœur que celui-ci est le seul sauveur. Oh, que celui-ci. Il s'est arrêté près de moi et de sa douce voix il m'a dit que grâce à ma foi, je peux voir cet homme.